Lettre 15e, en mer, le 15 novembre 1817. Il y a dans tous les cercles, dans toutes les réunions, dans toutes les parties de plaisir un peu nombreuses, un homme privilégié, autour duquel se groupent tous les autres, qui attire constamment les regards, qui est comme le centre des amusements et dont l'absence laisse un vide difficile à remplir. Cette espèce d'homme ennuie quelquefois sans doute parce que son babil, sans cesse provoqué par les questions, devient souvent un caquetage sans sel et sans intérêt. Mais on lui pardonne de bon cœur ces moments insipides, compensés par des heures remplies d'anecdotes amusantes, de détails piquants et curieux, recueillis par une mémoire heureuse et embellis par une imagination active et amie de la gaieté. Nos matelots ont l'avantage inappréciable de posséder deux de ces causeurs intrépides dont la vie est agitée par mille traverses qu'une âme faible n'aurait jamais supportées. Les privations, la guerre et ses fatigues, la rigueur des climats, les naufrages, les prisons d'Angleterre et les tourments qu'on leur y faisait éprouver. Des jours consacrés à des travaux pénibles, un avenir incertain, rien n'a pu porter atteinte à leur heureux caractère. Ils racontent leurs tourments passés sans pousser un soupir, avec le même sentiment de joie qu'ils se rappellent une heure de plaisir ou plutôt de repos. On dirait, à les entendre, que ces fatigues leur étaient dues, que ces souffrances étaient pour ainsi dire leur élément, qu'ils s'y étaient habitués dès l'enfance et qu'il leur aurait manqué quelque chose s'ils avaient été heureux. Ils disent leurs ruses, leurs ressources contre l'ennui ou les tourments, et toujours, dans leur langage sans apprêt, la raison trouve une sorte de philosophie austère qui étonne et subjugue. Mon plaisir à bord, et beaucoup de mes camarades aimaient à le partager, était, dans les belles soirées, de m'approcher du gaillard d'avant, et de prêter une oreille attentive à l'éloquence bizarre de ces deux historiens. Et que le jeune matelot sacrifiait avec moi des heures de sommeil à l'attrait magique qu'on répandait autour d'eux. Le plaisir remplaçait bien le repos. L'habitude du malheur leur avait fait contracter celle de la narration, et l'on eût dit qu'ils lisaient tout ce qui leur rappelait leur mémoire. Les scènes les plus tristes ou les plus alarmantes étaient racontées avec les expressions les plus bouffonnes, et leur langage avait, si j'ose m'exprimer ainsi, quelque chose d'hostile contre leur revers. Plus l'auditeur riait, plus le narrateur avait été malheureux. Les matelots ont un langage à eux, un dictionnaire qui leur est propre. Leurs termes de marine, placés au milieu de leur narration, font un effet tout à fait bizarre. Ils colorient ce que nous ne faisons que retracer, et leur style est une suite d'images toujours vraies, toujours frappantes. Je ne pourrais te dire combien de pareils hommes sont nécessaires à bord d'un navire, surtout dans un voyage aussi long que le nôtre. Les heures sont lentes au milieu des mers, hommage à ceux qui les précipitent. J'étais hier à minuit sur le gaillard d'arrière. J'entends de l'avant les éclats d'une joie immodérée. Le malheureux, m'écriai-je involontairement, et je m'acheminai vers le bruit. Une autre histoire suivit la première déjà finie. Une troisième vint après, ensuite une quatrième. Et je ne m'aperçus que la moitié de la nuit était passée que lorsque la cloche appela d'autres matelots sur le pont. J'avoue cependant que je ne fus pas très heureux cette fois, et hormis l'image des malheurs auxquels l'un d'eux avait été en butte en Angleterre, et qui nous intéressa vivement, leurs historiettes ne furent pas très piquantes. Mais puisque le temps est beau, que la chaleur est modérée par une brise fraîche, et que je ne suis pas occupé à des dessins, je vais te raconter la dernière dont on nous régala. C'est Petit qui parle. À bord de je ne sais quel bâtiment, qui faisait voile vers je ne sais quel parage, se trouvait au nombre des passagers un je ne sais quel ecclésiastique, dont le courage n'avait probablement pas encore été mis à l'épreuve. À 50 lieues de terre, et cette idée seule effrayait l'imagination du prêtre, un orage épouvantable fond sur le navire et le ballotte. Le cœur de l'abbé sautillait comme un morceau de requin dans une poêle. Il monte sur le pont, effrayé de l'extrême hauteur des vagues et de la violence des vents, il se prosterne. Le matelot, après avoir épuisé toutes les ressources de son art, en prévoit l'inutilité, court à la cambuse et se saoule. Sur le visage effrayé des maîtres, l'ecclésiastique lit le fatal arrêt et ses larmes coulent en abondance. « À genoux !» leur crie-t-il de toute la force de ses poumons. « À genoux !» On obéit et chacun, en prière, attend que le bâtiment s'engouffre. L'orage augmente. « Ah, mon père !» dit le capitaine au désespoir. « Bénissez-nous. Nous allons ce soir souper avec les anges. »« Dieu nous en préserve !» s'écrie le religieux. « Je crois que je n'ai pas faim. » Pensez-vous qu'il disait la vérité ?